Chapitre 20e, les fabriques de gants. À l'heure où s'ouvraient les ateliers, les rues de Helstonleigh étaient remplies d'ouvriers gantiers. On voyait passer tour à tour les trieurs, les rogneurs, les coupeurs, les teinturiers et d'autres encore, tous nécessaires à la confection d'une paire de gants, ce dont, lecteur, vous étiez peut-être loin de vous douter. Les gages variaient, suivant la capacité et le genre de travail, de 18 à 25 francs par semaine. Les contremaîtres étaient payés régulièrement. Ces appointements, joints à ce que gagnaient les femmes, suffisaient pour entretenir un ménage et élever convenablement les enfants. Malheureusement, à Helstonleigh comme ailleurs, le même obstacle existait, l'imprévoyance. Les hommes passaient beaucoup de temps au cabaret. La raison en est bien simple. Les femmes grondeuses, querelleuses, paresseuses, n'offraient à leur mari, quand ils revenaient du travail, qu'une maison sale et en désordre, ce qui avait pour effet immanquable de les renvoyer au cabaret. À cette époque, les ouvriers avaient, ou s'imaginaient avoir, un motif particulier de plainte. S'ils avaient voyagé et comparé leurs gages à ceux d'autres ouvriers, ils auraient trouvé moins de raisons de se lamenter. Mais ils ne les comparaient qu'à ceux qu'ils gagnaient avant la crise qui avait ouvert les ports de la Grande-Bretagne au commerce étranger. Aussi étaient-ils sombres et mécontents. Le mode de grève, moins connu que de nos jours, circulait déjà parmi eux. C'était un samedi soir. Les ouvriers sortaient en foule des manufactures, propres et bien rangées, car le métier exige beaucoup de soins. Les uns portaient leurs tabliers blancs, les autres les avaient roulés autour de leurs vestes. Quelques-uns, en bien petit nombre, il faut l'avouer, retournaient chez eux. Le samedi soir, l'enseigne du cabaret Les Armes du Coupeur voyait généralement arriver les ouvriers la poche bien garnie. Ils demandaient tous une bouteille de bière et du tabac. « Y a-t-il quelque chose de nouveau, Joey Peters ?» demanda un ouvrier quand toutes les pipes furent allumées. Joey Peters, grand homme sec, aux vêtements débraillés, secoua la tête et marmotta quelque chose entre ses dents. Son interlocuteur poussa quelques bouffées, puis répéta sa question. José grommela encore, mais sans parler. « Vous pourriez bien répondre poliment, Peters. »« Qu'avez-vous, vous autres ?» cria une troisième voix. « Benjamin me demande s'il y a du nouveau, » répondit Peters d'un ton indigné. « Il pourrait bien y avoir sans m'y demander. Nos gages ont été diminués ce soir, voilà le nouveau. »« Non, » s'écria Waller. « Oui, » répéta Peters d'un air bourreux. « Un franc de moins par semaine. »« Qui est-ce qui veut le supporter ?»« Il n'y a pas moyen de l'empêcher, » observa un brave ouvrier du nom de Widmer. « Je suppose que les patrons y sont obligés. C'est ce qu'ils disent. » « Est-ce que votre patron y est aussi obligé ?» rétorqua Peters avec colère. « Vous savez bien, Peters, que j'ai plus de chance, moi, comme tous ceux qui sont chez Ashley. »« Et qu'il tâche d'y rester !» cria Peters, toujours plus irrité. « Il n'y a pas à craindre que les ouvriers d'Ashley le quittent pour laisser venir les étrangers. »« Et pourquoi le quitterait-il ? » demanda raisonnablement Widmer. « Vous n'avez pas à craindre d'y entrer, vous, Peters. Ainsi, vous n'avez rien à dire. » Un petit rire moqueur aux dépens de Peters parcourut les rangs. « Je travaille aussi bien que qui que ce soit, » cria-t-il. « Qu'est-ce qui dit que je ne peux pas ? Venez m'y dire en face. » Un homme se mit à rire. « Allez faire cette question à Samuel Lynn, Peters. Il ne vous regardera même pas. Vous n'avez pas la tête assez forte pour lui. »« Samuel Lynn peut aller se faire pendre, » cria Peters. « Je n'aurai pas la moindre difficulté à entrer chez Ashley. » « Oui, certes, » reprit tranquillement Widmer. « Mais Ashley paye de forts gages, et il ne veut que de bons ouvriers. Le Quaker Lynn le sait bien. »« Ne disputez pas pour rien, Peters !» dit une autre voix, qui arrivait de l'extrémité de la salle à travers les nuages de fumée. « Mieux vaut perdre un franc que de tout perdre. J'ai eu de mauvaises nouvelles ce soir. » Peters tendit son long cou. « Qu'est-ce qui parle ? Est-ce Monsieur Crouch ?» C'était Monsieur Etienne Crouch, contremaître dans une grande manufacture, aux manières respectables et intelligents. Vous souvenez-vous d'un bruit qui courait il y a quelque temps sur Wilson et King ? Qu'ils tiraient à leur fin ? Demandèrent plusieurs voix. Eh bien ? Eh bien, ils y sont maintenant. Un ouvrier se leva. Ce n'est pas vrai, Monsieur Crouch. Ça ne peut pas être vrai, dit-il d'une voix tremblante. C'est très vrai, Vincent. Wilson et King vont fermer. On l'annoncera la semaine prochaine. Le bon Dieu nous vienne en aide. Voilà 40 ouvriers sur le pavé. Qu'allons-nous devenir ? Un silence de mort régnait dans la salle. Vincent le rompit. « Monsieur Crouch, ça ne peut pas être vrai. Nos gages nous ont été tous payés ce soir. On n'en a pas soufflé mot. J'en suis sûr, moi, dit Étienne. Je sais bien d'où ils ont eu l'argent pour payer. C'est par Monsieur Ashley. Par Monsieur Ashley ? Répéta toute la chambre. Est-ce lui qui l'a dit ? Lui ! S'écria Étienne avec indignation. Monsieur Ashley est un homme honorable. Mais Wilson et King ont eu un bavard trop près d'eux. C'est comme cela qu'on l'a su. Mais tout également, on y aurait su lundi. Wilson et King n'ont plus le sou. Ils attendaient ce matin des quittances par le courrier de Londres, mais ils n'ont rien reçu. Ils sont allés à la banque, mais la banque a eu peur et n'a pas voulu faire d'avance. Ils sont allés compter leur embarras à M. Ashley, qui leur a fait un billet. La banque l'a encaissé avec un salut, et c'est ainsi que, sans M. Ashley, Vincent, vous seriez rentré chez vous les poches vides, vous et les autres. M. Ashley perdra-t-il son argent ? Non, il savait qu'il ne courait pas de danger. Personne ne perdra Wilson et King, au plus qu'il n'en faut pour payer. Pourquoi quittent-ils les affaires ? Parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Il y a longtemps qu'ils ne vont plus que d'une aile. Vous allez demander ce qu'ils feront ? Eh bien, ils feront ce que d'autres ont fait avant eux. S'ils avaient abandonné la partie il y a 10 ans, ils auraient eu un bon petit magot en se retirant. Mais ils n'ont fait que s'enfoncer depuis. Il y en a encore bien d'autres dans la même passe. Et qu'allons-nous faire, nous autres ? Demanda Vincent, revenant à ses propres chagrins. Vous essaierez d'entrer ailleurs, répliqua M. Crouch. Il n'y a pas de meilleur coupeur que Vincent, et il n'attendra pas longtemps, cria une voix. Je ne sais pas trop, dit tristement Vincent. Les patrons sont surchargés d'ouvriers. De tous les malheurs qui sont tombés sur Alsonley, il n'y en a pas eu de pire que l'ouverture des ports au commerce français, commanda Maître Peters. Tiens ta langue en repos, cria une voix. Nous ne voulons pas de discussion. À quoi ça nous avance-t-il de grommeler tous les soirs ? C'est fait, et ça ne peut pas être défait. Les ports sont ouverts et ne se fermeront pas. Voyons, est-ce que ça n'a pas ruiné le commerce de Helstonleigh ? Réponds-y voir. Oui, nous le savons bien, nos dépens, mais on n'y peut rien. Oh, reprit ironiquement Peters, je croyais que tu allais me dire que c'était un grand bonheur. C'est ça qui aurait été nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils veulent les laisser ouverts ? Écoutez donc, Peters, dit M. Buffle d'un ton prétentieux. Ils voudraient savoir pourquoi le gouvernement laisse les ports ouverts. Comme si tous les gants qui viennent de l'étranger ne payaient pas un droit d'entrée des plus élevés. Est-il probable que le gouvernement y renonce, Peters ? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant ? Fit Peters en grommelant. S'ils sont passés autrefois, ils pourraient bien en faire autant maintenant. J'ai entendu parler de gens qui n'avaient jamais mangé de sucre, répondit sentencieusement M. Buffle. Mais je n'en ai jamais connu qui voulût s'y renoncer une fois qu'ils y avaient pris goût. Eh bien, le gouvernement a goûté aux douceurs de l'impôt sur les gants, et il y tient. Vilains avares, cria Peters. Mais vous êtes un imbécile tout de même, Buffle. Qu'est-ce que ce misérable impôt en comparaison de nos besoins ? Si quelques-uns de ces grands messieurs du gouvernement avaient le ventre vide un mois, ils sauraient ce que c'est que d'ouvrir les ports. Dans tous les changements politiques pareils, certaines localités doivent souffrir, ajouta quelqu'un. C'était la douce voix d'Étienne Crouch. Ce sera le moyen d'augmenter le commerce, et nous contribuerons ainsi au bien général. Je sais bien ce que vous allez dire, Peters, continua-t-il en le faisant taire d'un geste. Je sais bien que si le gouvernement le voulait, les ports se fermeraient demain. Mais cette mesure ne réparerait pas le tort qui nous a été fait. Elle ne relèverait pas les manufactures tombées, ne rembourserait pas aux patrons les capitaux perdus, ne réunirait pas les ouvriers qui se sont dispersés pour trouver de l'ouvrage, mendier ou mourir de faim, et le métier ne refleurirait pas à Helstonleigh. Pas même si ça durait, Crouch ? Non, jamais, répéta énergiquement Crouch. Un métier branlé ne peut pas reprendre son assiette. C'est comme un miroir brisé, dont on voudra remettre ensemble les morceaux. Croyez-moi, les amis, la seule chose que nous ayons à faire à Helstonleigh, c'est de tirer le meilleur parti de ce qui nous est laissé. Il y a d'autres métiers plus à plaindre que le nôtre. Je vous ai déjà parlé d'une grève, dit Peters après une pause. Nous ne ferons rien avant d'avoir essayé. Peters, ne soyez pas un imbécile, interrompit brusquement Étienne. Je vous expliquais à en être éreinté. Les résultats d'une grève, cela ne ferait que vous achever et vous enverrait tous croupir dans un fossé avec le ciel en guise de toit. Nous n'avons jamais essayé de grève à Helstonleigh, répondit Peters qui tenait à son idée. Et nous n'essaierons jamais. « J'espère, » répliqua l'intelligent contremaître. « Les autres métiers peuvent se mettre en grève. Cela ne nous regarde pas. Mais le nôtre s'en est fort heureusement toujours abstenu. »« Vous ne comprenez pas ce que c'est qu'une grève, » jouait Peters, « ou vous n'y risqueriez pas votre tête. » D'autres l'y ont bien risqué, monsieur Crouch, dit Peters en branlant la sienne d'un air significatif. Ce n'est pas impossible. Mettez-vous en grève la semaine prochaine, une demi-douzaine d'entre vous. J'entends les ouvriers d'une demi-douzaine de fabriques. Toutes doivent s'en mettre, interrompit vivement Peters. S'il n'en avait qu'une partie, ça ne ferait que rendre les choses pires. Étienne Crouch sourit. Parfaitement. Mais le difficile, Peters, c'est que toutes les fabriques ne le voudront pas. « Demandez aux ouvriers de notre manufacture, à ceux d'Ashley, à d'autres que nous pourrions nommer, et vous verrez ce qu'ils vous répondront. Admettons cependant que nous nous en mettions tous, et que lundi prochain les fabriques soient obligées de fermer. Quels seraient les plus mal partagés, nous ou les patrons ?»« Les patrons, » affirma obstinément Peters, « non. Les patrons ont un toit sur leur tête et de l'argent chez leurs banquiers, et les commandes peuvent attendre. » Les maisons de Londres enverraient quelques ordres extra à Paris et à Grenoble, et les patrons d'ici s'en iraient faire un petit tour au bord de la mer, pendant que nous aurions le poche vide et l'estomac creux, que nous mourrions de faim et que nous aurions crevé à l'hôpital. Si vous ne tenez pas ces extrémités, Peters, vous éviterez les grèves. Peters ne répondit que par un rire ironique. Par ici la bourgeoisie, cria-t-il à la cabaretière qui passait près de lui, une autre cruche. Cela en fera neuf. « Que vous me devez depuis lundi soir, Joy Peters, » répondit-elle. « Qu'importe, » dit Peters d'un ton hargneux, « je puis vous payer, je ne suis pas sans ouvrage, moi. »